psychologue. Du fricotox au monde qui devient mystique quand la bouteille devient sa psychologue. Rien à dire au doc. Juste un sarco qui peut faire du tricot avec son drapeau tricolore. 92 mon univers de briques. Où les nuits diverses s'agitent, où les filles diverses s'affichent. Mais si la drogue est une usine Afrique, la France nous parle de vol alors qu'elle même elle a pillé l'Afrique. Arrête de pifli, la rue est pleine de half-lit. Loin la vie de rêve pendant que d'autres vivent dans des F8. Car si t'es F, vas-y F8. Moi je vais faire sa propre et pas que le boss me dit fraude et suit. C'est pas de ma faute ici, y'a des grosses tessies. Nightmare à la prod, sort de sa grotte car la drogue détruit. La ville le maladroit, la vie ne fait pas le moins. Je partirai comme balavoine pendant que mes proches défilent. Et oui, tout son part un jour. Ici, pareil pour tout le monde. Tu le sais, nos vies c'est quoi, c'est... Avant de rentrer au bled, faut qu'on prenne un gros bif. Moi je te dis c'est Kunta, m'appelle jamais Toby. Marianne, elle m'a dit bam, viens on fait copain copine. Je dis quoi? Moi j'ai la dalle, grande salope, faut que j'pine. Après en fille, j'ai pas de temps à perdre, gros speed. Gros speed, j'ai mon gros chip et des gros chiffres. Aphrodite, elle garde la top contre un prolique. Tu veux qu'on comprenne, bitch, parle aux gros chiffres. J'ai le passé en travers de la gorge comme une bronchite. J'm'en dis, c'est hypocrite, mes frères brûlent vifs dans les taudis. Si y'a des boulins, sont partis trop vite, j'cherche encore. Fautif, grosse bitch impossible. Pour collabore, moi j'reste hostile, nocif. Toi dans l'œil, tu regardes la vérité, tu profites. Tu profanes, nous on peaufine. On fait les dièses, on pèse la police. Nick Sarkozy, ramène un gros bif. Comment ça, moi j'bouge pas, j'traîne comme un colis. On lobby, en position de tir comme Kofi. On a les gros bitch, rien à perdre, y'a quoi j't'ai dit. Pose les chèques, pose les euros vite avant qu'on se barre, grosse bitch. Pas max, mais c'est style. T'as dit, chaud d'été, oui. On est hal, la mixtape, j'suis bubble, j'suis ta gueule, wesh flemme, MC, c'est toi le jazz, guerre nucléaire.